moi qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée là-bas, au flanc de la montagne. Moi qui n'intéresse personne, pas plus les cardinaux de Rome que mes paroissiens qui se damnent. Quand je m'ennuie les soirs d'hiver, comme un berger dans son désert, je vais coucher dans mon église. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Pour t'aimer, pour te servir, on ne serait pas trop de deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Moi qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée, souvent je pense à cette femme qui partagerait le pain, le sel, qui m'endormirait avec elle et qui protégerait mon âme. Mais là devant la croix de Dieu, ma prière n'atteint pas les. Je suis tout seul dans mon église. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Pour t'aimer, pour te servir, on ne serait pas trop de deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Accorde-moi cette faveur. Tu ne m'entends pas, Seigneur, demain on fermera ton église. Ah bon Dieu, si l'on était deux.